mod nak dafa ni la won surtout anglais légui nak ñi am cours anglais prof bi ne ko na lire texte bi texte bi dal dañ ci bind look at the baby mu dal ñew rek ni eh ku kat baby